Maman Prodigy, c'est un peu le fait de pouvoir voilà, redonner de la motivation, de redonner voilà, de l'envie de prendre soin de soi et de s'aimer, etc. Et faire des choses pour soi. Et voilà, pour être plus heureuse. Parce que je pense que la maman, c'est un peu la base de tout. Si la maman, elle est heureuse, les enfants sont heureux, le couple est heureux, etc. etc. Et il y a tout qui découle de ça. Donc tous les conseils que je donne, finalement, c'est pour amener les mamans à se rapprocher de ça. En ayant trois enfants, qu'est-ce qui a changé dans ton rapport à ton apparence? Comment tu prends soin de toi en t'occupant de tes trois enfants en bas âge? Et quels clichés les Américains peuvent-ils avoir de nous, Français? Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée. Pour la 75e interview, j'ai le plaisir de recevoir Claire Lise, la créatrice de contenu des comptes Bon Voyage Froggy et Maman Froggy. Chers auditeurs, moi c'est Alice, je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. Donc j'interview dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. Ici, j'aime vous faire découvrir des marques de produits de beauté naturels. Aujourd'hui, la marque naturelle que je souhaite mettre en avant, c'est Pomponne. Ses produits de maquillage sont fabriqués en France. Sa spécificité, que j'adore, c'est que les produits ont une action soin. J'ai pour ma part le mascara noir, qui est booster de cils en même temps, et je porte le rouge à lèvres Rouge Coquelicot, qui est nourrissant en même temps. J'ai un code affilié à vous proposer, il vous permet d'obtenir une réduction de 10% sur tout le site. Si vous souhaitez les découvrir aussi, ce code, c'est BEAUTÉIMAGINÉE10, tout en majuscule et tout attaché. Me concernant toujours, j'ai un compte TikTok sur lequel j'adore suivre les aventures de Maman Froggy. Et oui, ma belle invitée, c'est Claire Lise, alias Maman Froggy et Bon Voyage Froggy sur les réseaux. Claire Lise, toi, tu vis aux États-Unis, tu as 32 ans, tu es mariée avec trois enfants, dont tu t'occupes souvent seule au quotidien puisque ton mari est pilote de ligne. Et sur tes réseaux, tu passes un message d'empowerment des femmes tout en mettant en avant les valeurs traditionnelles d'une famille soudée. Ton compte TikTok Maman Froggy rassemble 160 000 abonnés. Et moi, je te suis depuis l'année dernière et je trouve ton contenu vraiment drôle, notamment lorsque tu donnes des réponses à tes fans un peu trolls qui peuvent être très durs dans leurs commentaires et tu rebondis très souvent à ces commentaires avec humour, en te mettant en scène comme une, je te cite, michto par moment et avec donc un peu de provocation. Voilà. C'est très satisfaisant. Et tu as donc aussi ton compte sur l'expatriation aux États-Unis, Bon Voyage Froggy, avec 400 000 abonnés sur TikTok, dans lequel tu racontes cette vie aux États-Unis. Après mon interview, ce sera la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Vous pourrez deviner trois infos concernant Claire Lise. Quel est son livre préféré? Quel est son podcast préféré? Et quel est le stage professionnel le plus marquant qu'elle ait fait dans sa vie? On aura donc les révélations tout à l'heure. Alors déjà, est-ce que tu peux, Claire Lise, nous raconter comment tu as commencé bien sur sûr. Les réseaux, Alors en peut-être? fait, moi, j'ai commencé sur les réseaux en 2000, ça c'était quoi, 2012, puisqu'en fait, je voulais partir au Père. Et donc, à l'époque, hein, donc ça fait quand même 10 ans plus maintenant, il n'y avait rien sur les réseaux, donc j'ai commencé à faire mon blog. Pour juste, voilà, donner des conseils, encourager les filles à partir. Leur donner des, voilà, des conseils sur le côté au pair. Et donc j'ai fait ça, j'ai écrit mon blog tous les jours pendant 2 ans, donc vraiment comme un journal intime finalement. Donc voilà, donc j'ai fait ce blog-là, il était dans les premières places, la première place d'ailleurs en tant que recherche blog au pair aux USA à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence non plus, donc c'était aussi pour ça sûrement. Et donc ensuite, j'ai commencé à découvrir qu'en fait on pouvait monétiser, qu'on pouvait gagner de l'argent, etc., grâce au réseau. Donc, j'ai décidé de refaire mon site entièrement. Et c'est là que j'ai décidé de m'appeler Bon Voyage Froggy, puisqu'à la base, mon blog, c'était un skyblog. Donc, j'ai refait mon blog entièrement avec un vrai site, etc. Donc, bonvoyagefroggy.com. Et c'est là que j'ai commencé Instagram. Et donc, à l'époque, j'avais commencé mon diplôme, parce que j'ai passé un diplôme d'école de commerce. Quand j'ai fini mon diplôme, j'ai été embauchée par une agence au pair qui est à Biarritz. Et donc, je faisais leur développement commercial, etc., le marketing pour eux. Et en travaillant pour eux, j'ai découvert que TikTok était quelque chose d'hyper populaire. Ça avait genre 1 an et demi, 2 ans. Mais ce n'était pas encore très, très connu, mais il y avait beaucoup de potentiel. Donc, j'ai ouvert leur compte TikTok à eux. Et j'ai commencé à voir, en fait, que bah, c'était, en effet, ce n'était pas forcément bien connu, mais ça marchait bien. Et donc, quand il y a eu le confinement en 2020, Ben moi, j'ai perdu mon travail, puisque du coup, ben, plus personne partait au pair. Forcément, il n'y a plus de gars. Donc, je me suis retrouvée ben, au chômage, en fait, dès le début de la pandémie. Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas lancer mon propre compte, voilà, quitte à être à la maison, autant me mettre à fond sur mon projet, qui était mon propre blog au pair, mais qui m'apportait aucun argent. C'était vraiment juste pour le plaisir d'aider. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Et j'ai lancé mon compte TikTok. Et qui a explosé tout de suite en fait. Donc j'ai eu dans la journée j'avais eu je crois 5 000 abonnés. Dans la semaine j'étais montée à 30 000. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque personne vraiment n'était dessus en France. C'était pas aussi connu. C'était les débuts hein, de le confinement je pense. Et moi j'ai commencé un peu avant. Donc voilà tout de suite voilà beaucoup d'abonnés d'un coup. Et j'avais passé la barre je crois presque des 100 000 dans la première année. Et donc c'est comme ça que ça a commencé en fait. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc ben, j'ai vu que ça marchait pour moi, j'ai vu que finalement, ben, avec les partenariats, etc., ben, j'arrivais à gagner autant d'argent finalement que quand j'étais à temps plein dans l'agence au pair. Donc quand ils m'ont rappelé, bien 6 mois plus tard, je pense, ben, du coup, je leur ai dit non, que je ne reprenais pas mon poste et que je resterais à mon compte, je ferais mes projets sur les réseaux et voilà, au petit bonheur la chance, quoi. Et donc voilà, ça. Et finalement, ben, j'ai continué à persévérer et puis ça a marché pour moi, quoi. Eh oui, génial. Et une vraie success story à l'américaine, non, je plaisante. Et assez vite, tu as pensé à ouvrir un deuxième compte sur Alors le la deuxième vie de compte, je l'ai maman, ouvert, finalement. je crois que c'était un an après, parce qu'en fait, c'est vrai que finalement, au pair, bon, j'adore parce que du coup, c'est vrai que je peux aider les jeunes, leur montrer voilà qu'il y a une autre façon de voyager, surtout quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, etc. Donc j'aime vraiment ce projet-là. Mais en même temps, ça fait 10 ans que je suis plus au pair, donc c'est quelque chose quand même qui est loin de moi. C'est une vieille histoire, donc ça me fait plaisir de la partager pour encourager les jeunes générations. Mais en même temps, c'est plus tellement pas comment dire, c'est plus tellement mon identité en soi d'être au pair. Donc c'est vrai que j'avais envie de lancer un projet qui était plus en accord avec qui je suis maintenant et qui est plus d'actualité, disons. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai voulu faire Maman Progy pour pouvoir bah, commencer à avoir une communauté, à être reconnue dans le monde de la parentalité, puisque maintenant je suis maman. Et de façon générale, en devenant maman, j'ai eu envie, j'avais un peu le rêve d'un jour ouvrir un parc pour enfants, avec tout plein de services autour. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, le fait de commencer à faire les réseaux, Maman Froggy, me faire connaître auprès des parents, bah, peut-être que le jour où j'ai envie d'ouvrir ce parc-là, bah, j'aurai déjà des clients, j'aurai déjà une visibilité, donc ce sera plus facile pour moi de bah, peut-être avoir des prêts à la banque, d'avoir voilà, des gens qui rapidement s'inscrivent, etc., viennent dans le parc. Donc c'était aussi commencer un peu à travailler sur peut-être des projets plus gros d'ici quelques années quand mes enfants seront plus grands, parce que ce n'est pas quelque chose que je ferai maintenant, mais c'est quelque chose que j'avais en tête pour, voilà, pour dans quelques années. Ah d'accord, ah oui, c'est malin. Donc d'abord travailler le côté clientèle potentielle. Là, quel est le message finalement que tu souhaites faire passer, en tout cas sur Sur Maman Maman Froggy Froggy, par c'est exemple? plus, disons que c'est plus voilà, le fait de prendre soin de soi, parce que je pense que les mamans, bah, souvent, elles s'oublient en fait. Hein, je pense que c'est que ce soit culturel ou juste de façon générale. On a tendance à toujours, voilà, il faut toujours que ce soit dans le sacrifice, dans le fait de faire passer tout le monde avant soi. Et je pense qu'il y a un énorme mal-être au niveau des mamans, disons, d'avant aussi, mais maintenant, maintenant c'est clair. Et je le vois autour de moi. Moi, j'ai des, voilà, j'ai des frères, sœurs qui sont beaucoup plus âgés, qui ont la cinquantaine. Et donc je l'ai vu voilà dans ma famille, je l'ai vu avec mes parents, que finalement bah, il y a beaucoup de mamans qui souffrent. Maman Froggy, c'est un peu le fait de pouvoir voilà bah, redonner de la motivation, de redonner voilà de l'envie de prendre soin de soi et de s'aimer, etc., et faire des choses pour soi et voilà pour être plus heureuse, parce que je pense que la maman c'est un peu la base de tout. Si la maman elle est heureuse, les enfants sont heureux, le couple est heureux, etc., etc. Il y a tout qui découle de ça. Et donc tous les conseils que je donne, finalement, c'est pour amener bah, les mamans à se rapprocher de ça, qu'elles comprennent qu'elles méritent elles aussi d'être heureuses et de voilà quoi, d'avoir bah, une vie dans laquelle elles se sentent bien et que ça permettra à tout le monde ensuite de se sentir bien aussi. Tu vois que ça a un écho chez beaucoup d'amis. Alors oui pour les personnes qui sont prêtes à entendre en fait ce que j'ai à dire, dans le sens que moi j'ai des messages, je pense, qui sont des fois un peu durs, qui sont peut-être un peu controversés même. Dans la façon dont je vais le dire, etc. Et je pense que ça fait énormément écho, ça fait énormément de bien à ceux qui sont prêts à l'entendre. Et c'est complètement rejeté et par ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas encore atteint peut-être la conscience, tu vois. Donc là, pour le coup, il y a vraiment un énorme rejet. C'est vraiment les deux. C'est-à-dire que par exemple, tous les jours, dans mes commentaires et même dans mes messages privés, je reçois des messages de femmes qui me disent, bah merci pour tes vidéos, ça m'a vraiment fait, ça m'a fait m'ouvrir les yeux. J'ai enfin commencé une thérapie ou j'ai enfin ben voilà décidé de faire reprendre le sport ou de reprendre la peinture ou tu vois des trucs comme ça. Donc ils m'ont dit ouais ben, le fait de voir tes vidéos ça m'a vraiment mis un coup de boost et ça m'a motivé à devenir meilleur et à profiter de la vie. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont pas du tout prêts en fait à entendre ces choses-là et qui donc sont vraiment dans le rejet quoi. Donc ils vont me dire que ben, je suis dans la désillusion, que je comprends pas parce que mon mari a de l'argent, etc., etc. En fait, qu'ils vont chercher tout plein d'excuses pour rejeter mon message. Donc, c'est vraiment, c'est les deux. Il y a les opposés. Il y a, voilà. Et je pense que en général, quand il y a du rejet, c'est parce que les gens ne sont pas prêts encore mentalement à accepter l'information, quoi. Ils ont encore un cheminement à faire, je pense. C'est une protection finalement pour faire un peu l'autruche et pas se Ouais, être plus je pense que c'est toujours vulnérable entre compliqué. Je guillemets. pense qu'il y a énormément de souffrance. De toute façon, c'est sûr, hein, les gens, il y a énormément de souffrance à l'heure actuelle et même depuis toujours. De toute façon, c'est vrai que pour différentes raisons, ça peut être le passé, ça peut être les traumas, ça peut être plein de choses qui fait que finalement, inconsciemment, on se maintient dans des situations qui sont pas agréables ou etc. Et moi, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé moi-même dans ma famille, etc., des personnes qui avaient tout, en fait, hein, qui avaient vraiment tout, tout, tout pour elles et tout pour bien vivre, etc. Mais comme dans leur subconscient, il y avait des choses qui les bloquaient, ben, en fait, elles cherchaient toujours autre chose, quoi, tu vois, elles allaient se rajouter des choses, des problèmes qui n'existaient pas, etc., des excuses. Parce que voilà, ils n'arrivaient pas à vraiment faire, comment dire, à vraiment prendre conscience, en fait, de plein de choses. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué, c'est hyper compliqué parce que, ben, tu peux pas faire le travail à la place des gens, il faut vraiment que ce soit eux qui aient le déclic. Et des fois, il n'y a pas non plus envie d'avoir le déclic non plus, parce que comme on dit, quand on fait quelque chose tout le temps, c'est parce qu'il y a un côté positif. Même dans les choses les plus pires qu'on puisse faire, il y a un côté positif parce que ça nous rassure, c'est notre zone de confort, etc. Donc tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, en fait, ben, on n'arrêtera pas de les faire, ces choses-là. Et les personnes qui viennent essayer de te faire ouvrir les yeux. Bah, tu vas forcément les rejeter puisque tu ne veux pas en fait que ça change consciemment ou inconsciemment. Donc c'est compliqué. Donc je pense que moi je balance mes messages et mes observations, etc. Et après c'est à chacun d'en faire ce qu'il veut en fait, quoi. Tu vois, par rapport à sa propre expérience, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, ça mûrit ou pas. Comme tu dis, c'est complexe et il y a pas mal de Ouais. facteurs. Tu l'évoquais, le facteur culturel, aussi l'éducation et tout. Donc, c'est sûr que c'est un vaste sujet, mais que tu arrives à traiter avec humour. Quand par rapport à ce que tu disais sur le fait que parfois les gens peuvent ne pas changer, on a Astrée qui nous dit oui, c'est plus confortable de rester dans une situation entre guillemets de merde, mais dont on a Ben, c'est un peu l'habitude, ça en haha. fait, hein. C'est bête, mais c'est ce qu'on dit, parce qu'en fait c'est confortable dans le sens que c'est connu, tu sais ce qui va se passer, tu sais le niveau de souffrance que tu vas avoir, alors que finalement le fait de recommencer à zéro, le fait de partir, ben, tu sais pas en fait, peut-être que ce sera pire, peut-être que ce sera encore plus dur, tu vois, et donc c'est peut-être pas forcément conscient, mais voilà, tu sais où t'es en fait, et puis des fois aussi, être dans une position difficile de victime, finalement, c'est une façon d'attirer un peu de l'attention, tu vois. Les gens vont s'occuper de toi, les gens vont avoir de la peine, de la pitié. Et c'est vrai que si c'est le système qui a marché pour toi toute ta vie, depuis ton enfance, etc., qu'on te donnait de l'attention que quand t'allais pas bien, etc., c'est des choses qui s'ancrent. Et donc, tu sais pas, en fait, comment trouver ta valeur. Tu sais pas comment trouver ta propre valeur en dehors de la victimisation. Et ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps, parce que je me suis un peu clashée dans une de mes vidéos. Et c'est un peu le truc, tu vois, où justement, si c'est, il y a que comme ça que tu arrives à trouver ta propre valeur, c'est le fait de dans tes problèmes et dans les galères, tu vois. Ben forcément, ça va toujours, t'en auras toujours plus, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un travail à faire sur soi pour arriver justement à apprendre à s'aimer et donc faire des choix qui te permettent d'avoir moins de problèmes et de trouver ta valeur dans autre chose, tu vois. Donc c'est compliqué, c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Oui, c'est un schéma psychologique qu'on peut répéter. Comment tu t'organises pour préparer ton contenu? Alors en fait, tous les dimanches, donc le soir, je me pose Je fais ma semaine, j'organise un peu ce que je vais faire, je regarde tous les rendez-vous, toutes les obligations que j'ai, etc., tout ce que je vais faire en termes de sport, enfin, bref, tout, tout, tout. Et je me note souvent des vidéos, qu'est-ce que j'ai envie de filmer, quel jour je vais filmer, parce qu'en fait, c'est vrai que voilà, moi, je peux filmer comme là, tu vois, pendant les siestes, quand les enfants dorment, puisque je ne fais pas ça quand ils sont réveillés, ou alors quand je cuisine, tu vois, mais faut... Donc, en fait, j'essaie de trouver, de m'organiser, de voir quand est-ce que je vais filmer, quand est-ce que je vais éditer. Quel contenu, etc. Après, ça marche pas toujours comme ça. C'est pas toujours. Des fois, je me dis, je vais faire ça. Et puis finalement, il y a une question qui ressort qui est plus intéressante. Donc, je vais faire la question qui vient d'arriver. Mais en général, c'est comme ça que je m'organise. Parce que j'essaye de pas faire plus de 2 jours. Parce que quand j'ai commencé les réseaux, c'est vrai que je filmais tous les jours. Et en fait, je trouve que. Enfin, moi, j'essaie vraiment de garder un équilibre, tu vois, en termes de santé, de temps, de pouvoir me reposer, etc. Donc, toujours, c'était trop. Donc, je suis passée au fait de me dire que je filme deux jours par semaine. Donc, concrètement, durant les siestes, de bah, midi et demi jusqu'à 2 heures. C'est là que je fais des vidéos. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir sur mon compte que des fois, je suis habillée de la même façon sur plein de vidéos d'affilée. Puis d'un coup, c'est plus la même chose. Puis une semaine après, c'est la même tenue. Parce que des fois, je ne vais pas poster les vidéos le même jour ou dans le même ordre, mais je les ai filmées d'affilée, comme du batch, quoi, tu vois. Je les ai filmées 4, 5, 6 vidéos d'affilée et je les garde et plus tard, je les édite suivant ce que j'ai envie de sortir, suivant le thème de la semaine, etc. Donc, c'est un peu comme ça que j'arrive à m'organiser. Mais en ce moment, je suis en train de faire des recherches pour tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est ChatGPT. Parce que j'ai cru commencer à voir qu'en fait, ils ont développé plein d'applications qui permettent d'éditer les vidéos, etc., faire plein, plein, plein de choses à ta place. Donc là, je suis en train un peu de rechercher comment est-ce que je peux justement bah, de déléguer une partie de mon travail justement aux intelligences artificielles. Je pense que ça a forcément coûté de l'argent, c'est pas gratuit. Mais ça me permet de récupérer de mon temps. Moi, ça ne me dérange pas de toute façon. Donc là, je suis en train de chercher ça pour pouvoir être beaucoup plus efficace, efficiente dans ma création de contenu. Grâce à l'intelligence artificielle, du coup. Ah, intéressant, oui, c'est un sujet qu'on va entendre de plus en plus. Et en effet, toi, là, en tant que maman de 3 enfants, Ouais. le temps, c'est la Ouais. ressource C'est pour ça. hyper sacrée. On te demande de quelle nationalité sont Français, tes en général. Enfin, auditeurs? francophone. Francophone, parce que du coup, il y a des gens un peu de partout, mais qui sont francophones. En ayant 3 enfants, au niveau de, pour se rapprocher du thème beauté, est-ce que quelque chose a changé dans ton rapport à ton apparence? Alors, ouais, disons que moi, avant d'avoir des enfants, j'avoue que j'étais pas particulièrement, comment dire, je prenais soin de moi dans le sens que j'allais me maquiller, j'allais m'habiller, etc. Hein. Mais c'est vrai que tout ce qui était, tu sais, faire le hair care, prendre soin de mes cheveux, faire le skincare, tu vois, avoir, tu sais, genre, tu mets tel produit et tel produit, je faisais pas ça du tout. Je pense que j'étais très très nulle. J'étais le genre de fille qui mettait du Monoï, tu sais, pour aller à la plage, tu vois, alors que je suis blanche comme le plafond, tu vois, le truc à jamais faire. Donc j'étais pas du tout consciencieuse là-dessus. Je pense que j'étais un peu naïve et bête aussi sûrement. Et c'est vrai que arrivé ouais, avec les enfants, c'est vrai que d'un coup, bah, tu te rends compte que voilà, t'as pris du poids, etc. Moi, je voulais retrouver du coup bah, mon corps d'avant. Donc c'est vrai que j'ai commencé à voilà, devoir vraiment réfléchir plus à qu'est-ce que je fais pour vraiment bah, voilà, retrouver la forme, etc. Donc je pense que oui, je suis devenue beaucoup plus consciencieuse de plein, plein, plein de choses en devenant maman, des choses auxquelles je faisais pas du tout attention avant ça. Tu as perdu 20 Ouais. kilos en 9 mois, on le voit sur tes réseaux. Est-ce que ça a eu des effets sur Alors ta peau, oui, ton donc du coup, bien-être? ouais, ça fait 20 kilos en 9 mois. Et donc, bah, disons que ça m'a permis de retrouver mon énergie d'avant, parce que c'est vrai que mine de rien, j'étais à 85, un petit peu plus. Après accouchement, j'étais plus près de 90. Bon, je suis à 73, donc je suis grande, mais tout de même, c'est lourd. Enfin, moi, je trouve que... Pour quelqu'un qui a quasiment toute sa vie été fine, tu vois, j'ai quasiment toujours été très très fine. Et je le sentais vraiment, les 20 kilos en plus, je les sentais dans mon corps. J'étais plus fatiguée, j'avais plus de mal à monter les escaliers, je m'essoufflais, tu vois, j'avais plus de mal à jouer avec les enfants. Donc c'est pour ça que j'ai voulu perdre le poids très très vite, c'est parce que je voulais retrouver en fait le même niveau d'autonomie, de mobilité, de résilience, etc. Tu vois. Mais après, c'est vrai que moi, souvent, du coup, je me fais un peu clasher parce qu'on me dit, ouais, tu te la racontes maintenant que tu as perdu du poids. J'ai pas pris confiance en moi, franchement, parce que d'être fine, parce que j'ai toujours été fine, en fait, c'est pas une découverte pour moi d'avoir un corps fin, tu vois. Donc, ça m'a pas particulièrement donné confiance en moi. J'étais fière de moi quand j'avais mes kilos en plus, puisque bah, c'est mon corps de grossesse, tu vois. Il a donné la vie à mes enfants, donc j'étais très fière de mon corps, peu importe à quoi il ressemblait. Mais par contre, là où ça m'a donné confiance en moi, ce régime de. Enfin, ce régime, c'est plutôt un rééquilibrage alimentaire, je dirais. C'était le fait que ça a été un gros challenge. Dans le sens que mes deux premières grossesses, j'avais perdu le poids facilement aussi, hein, rapidement, de la même façon. Mais je l'avais fait un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'avec mon premier, eh ben, j'avais fait un régime très, très strict, j'avais fait beaucoup de sport et j'avais perdu mon poids. Mais dès que j'avais retrouvé mon poids, eh ben, du coup, je m'étais remis à manger normalement. Donc, comme je suis quelqu'un qui grossit pas facilement, bah, je grossissais pas, je restais à mon poids normal, mais je mangeais quand même des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, tu vois, en termes d'alimentation. Mon deuxième accouchement, c'est pareil. Je faisais du jeûne intermittent, j'étais hyper stricte, je faisais beaucoup de sport. Donc, j'ai commencé à perdre le poids très vite, mais ce n'était pas vraiment changer habitude de vie, c'était plus perdre le poids. Voilà, je retrouvais mon corps, point barre. Cette fois-ci, quand j'ai fait ma perte de poids en janvier, je voulais pas juste perdre mon poids, je voulais vraiment changer tout. Je voulais vraiment que je change entièrement de lifestyle, que ce soit beaucoup plus conscient, beaucoup plus sain, que finalement le régime en soi soit pas vraiment un gros changement une fois que je l'arrête. Que ce que j'ai fait pendant mon régime soit exactement la même chose que je ferai ensuite. La seule différence, c'est que je mangerai un peu plus puisque le but n'est plus d'être en déficit calorique. Et donc c'est là que ça a été vraiment fort pour moi, c'est que du coup, c'est que j'ai réussi à faire ça. J'ai vraiment changé mes habitudes alimentaires durant toute l'année. Et maintenant, même si j'ai perdu les 20 kilos et que théoriquement, je pourrais refaire ce que je veux, ben, je ne le fais pas. Je continue à faire vraiment attention à ce que je mange, que ce soit de la qualité, qu'il n'y ait pas trop de sucre, qu'il n'y ait pas trop de gluten, etc., etc. Parce que maintenant, je suis plus sur une optique d'être en bonne santé plus que être fine. Donc c'est ça vraiment pour moi qui a changé cette fois-ci comparé aux deux premières grossesses. Pas juste l'apparence, l'esthétique, Ouais, c'est plus durable c'est quoi, ça. avec la santé Parce que après. c'est vrai que moi j'arrive sur 33 ans, c'est pas vieux, mais je sais que dans ma famille il y a beaucoup de cancers. La majorité des gens, enfin, tu vois, soit ma mère, et grand-mère, etc., ils ont quasiment tous des cancers, il y en a qui en sont morts. Et pour ma mère, je vois, c'est arrivé à 40 ans, tu vois. Mes frères, mes soeurs, ils ont tous des problèmes, pas cancer, mais ils ont des problèmes quand même assez graves qui sont arrivés pareil au niveau de cet âge-là. Et l'une de mes grandes soeurs, elle a aussi déjà des problèmes de santé qui sont graves et elle a 37 ans. Donc c'est vrai que moi, ça a été un peu aussi un électrochoc de me dire, OK, j'en ai 33. Je vois plein de gens autour de moi qui sont des milléniaux comme moi, qui ont la trentaine et qui sont en train de développer vraiment des grosses merdes en termes de santé. Donc ça a été un peu aussi le coup de pied que j'ai envie de me mettre, c'est parce que je me disais, bon, bah, j'ai 33 ans, théoriquement. Statistiquement parlant, dans les 5 années à venir, si vraiment je ne fais aucun effort, je suis quasiment certaine de me développer, hein, comme ma mère, comme mes frères, etc., mes oncles, des très grosses maladies, voire des cancers. Donc c'est ça aussi qui me motive, c'est le fait de diminuer, parce que je sais qu'utilement, on ne peut pas empêcher à 100%, mais de mettre toutes les chances de mon côté pour vraiment faire le moins de choses possibles qui puissent déclencher des maladies graves. Et donc aussi, bah, je me fais des check-ups réguliers chez les médecins, etc. Parce que voilà, j'ai vraiment envie d'être en bonne santé le plus longtemps possible et dans de bonnes conditions. Donc je pense que c'est vraiment ma motivation maintenant à l'heure actuelle, c'est de rester en bonne santé le plus longtemps possible ou dans le pire des cas, avoir un corps qui est quand même assez fort si je devais faire des traitements, etc. De ne pas être déjà en très très mauvaise santé quand quelque chose me tombe dessus, si quelque chose me tombe dessus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un gros enjeu en effet. Et est-ce que sur ta peau, tu as Ouais, vu je pense que une différence? j'ai une peau un peu plus claire, un peu plus nette. J'ai moins comment ça s'appelle, de boutons d'acné, par exemple. Donc oui, je pense que pareil, j'ai mon visage un peu moins gonflé. Donc oui, clairement, je pense qu'au niveau de ma peau, il y a eu une différence aussi. Ouais, le fait de manger plus sainement, etc. Moins de sucre aussi, le sucre Moins aussi, de c'est sûr. sucre aussi? Mieux hydraté, boire plus de choses, etc. aussi, je pense. Ouais, en tout cas, c'est admirable du coup de enfin, comme tu parlais de challenge, c'est quand même un challenge de changer tes habitudes de vie et tu es quand même assez occupé en même temps, mais bon, tu as réussi à Ouais, trouver la donc motivation, je quoi. suis contente et là c'est que le début. Je sais que voilà, je continuerai à faire d'autres efforts sur d'autres choses l'année prochaine. C'est vrai que c'est un truc à la fois, mais déjà en un an, je suis quand même contente de tout ce qui a été mis en place. Les bonnes résolutions, oui, c'est C'est vrai ça. qu'on y arrive bientôt. On te demande si tu as le temps de Ouais, faire alors du du sport. sport, j'en fais en général au moins 3 fois par semaine. En général, le lundi, j'ai de la danse. J'ai un cours de danse le lundi et je fais du. Comment ça s'appelle? Weight training, c'est résistance, je crois que ça s'appelle résistance musculaire en français, où en fait je soulève du poids, je vais les haltères, etc. en gros. Et je vais faire donc le lundi, donc je fais la danse et je fais de la résistance musculaire pour le bas du corps. Le mercredi, ça va être aussi cardio et résistance musculaire sur bas du corps ou haut du corps. Et le jeudi matin, j'ai un cours de yoga. Et après, en général, j'essaie de me placer une séance de résistance musculaire de haut du corps. Voilà. Donc, j'essaie en général au minimum d'avoir trois séances musculaires et une séance de yoga, une séance de danse. Et si je peux faire plus, et bien dans ce cas, c'est cadeau. C'est bonus. Et le week-end, de toute façon, avec les enfants, on bouge, on fait pas mal de balades, on va dans les parcs. Donc, on fait quand même pas mal de marches de façon générale avec les enfants. Oui, ça, on peut difficilement rester inactif. Côté pragmatique, du coup, avec trois enfants en bas âge, dont un que tu as qui n'est pas scolarisé, si pas. Comment tu fais pour prendre soin de toi? Voilà, comment tu Alors, jongles? donc moi concrètement, tout ce qui va être skincare, etc., en général, c'est le mardi. En général, ce que je fais, c'est que le mardi soir, donc avant de, voilà, enfin un petit peu avant de coucher les enfants, je vais commencer à faire un soin sur les cheveux, tu vois. Donc j'ai, en général, j'alterne, j'ai soit le Olaplex, soit je fais un bain d'huile, soit j'ai du henné, etc., que je mélange avec de l'amla, etc. Donc j'alterne en fin d'une semaine à l'autre. Et donc ce que je vais en général, c'est vers 6h30, je commence à appliquer ça sur mes cheveux. Donc je laisse, voilà, je mets une serviette, je laisse, je finis de m'occuper des enfants. Les enfants, je les mets au lit vers 7h. Et là, ben, je fais tout ce qui va être un peeling du visage. Je vais du coup laver mes cheveux, etc., etc., faire tous les soins. Donc en général, j'ai un jour, enfin un soir plutôt, un soir dédié à tout ce qui est prendre soin de moi. En faisant évidemment, comme je disais, le sport, ça c'est dans la semaine. Donc voilà. Et j'arrive à faire du sport parce que dans ma salle de sport, ils ont une garderie. Donc en fait, je peux déposer les enfants à la garderie. J'ai droit à 2 heures par jour dans mon abonnement. Donc ça aide beaucoup. Et ensuite, voilà, c'est comme ça en général que je fais, c'est en faisant les choses quand ils dorment en fait. C'est quand ils dorment ou alors, comme je disais, le sport grâce à la garderie de ma gym. Oui, t'optimises le temps de sommeil. Et d'ailleurs, un des conseils que tu donnes pour peut-être gagner un peu en énergie aux mamans qui te suivent, c'est d'éviter ces heures passées à scroller le soir TikTok ou autre parce qu'on est fatigué et d'essayer d'en profiter pour justement soit faire du sport, soit Ouais, prendre bah soin de soi disons comme que ça. moi je me suis rendu compte, je pense, enfin, surtout avec l'arrivée des enfants, qu'en fait, ouais, le téléphone avait vraiment tendance à m'épuiser, mais pas physiquement, mais mentalement. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment plein d'études sur ça qui t'expliquent que la dopamine, bah, techniquement, c'est pas, t'en as pas en illimité pour la journée et que le fait de prendre le téléphone, en fait, t'épuise. T'as dit ta dopamine, donc ta motivation à faire les choses. Et donc, de démarrer la journée en scrollant, c'est très très mauvais parce que du coup, tu t'es déjà en train de perdre ta motivation à faire les choses. Donc, c'est pour ça que moi, déjà le matin, je ne touche plus à mon téléphone. Ce qui est fou, c'est qu'en tant qu'influenceuse, je me mets énormément de limites. Ça, tout à l'heure, ça a coupé, tu vois, parce que je me suis mis limite sur mon téléphone. Ou concrètement, si j'atteins la limite, normalement, je ne peux plus utiliser l'application. Donc par exemple Instagram, j'ai mis 1 heure, tu vois. Donc c'est pour ça que comme depuis tout à l'heure on est sur Instagram, etc. Ben là ça a coupé. Donc je me mets des limites par rapport à tout ça. Le soir en général, je ne regarde pas la télé. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà, je m'occupe de voilà mes projets, de moi comme je dis, si j'ai de la skincare à faire, des trucs pour les enfants. Je vais faire peut-être si j'ai envie de faire de la cuisine, tu vois. De lire un livre, mais en général, je regarde pas de films. Les seuls moments vraiment où je regarde un film le soir, c'est quand mon mari est là, parce que du coup, on se fait souvent un petit plateau avec, je sais pas, genre du vin, du fromage, on se regarde un film en même temps, tu vois. Mais quand il est pas là, en général, le soir, je ne regarde pas du tout mon écran. Je scrolle pas non plus. Et au pire, si je suis sur mon écran, c'est parce que je fais mes vidéos. Donc, soit parce que je vais filmer, soit parce que je vais éditer. Mais voilà, après, quand j'ai fini, j'ai fini. Donc, justement, en tant qu'influenceuse, puisque j'ai beaucoup, beaucoup de tentations d'être sur mon téléphone, c'est pour ça que je me mets beaucoup de restrictions pour pas tomber dans ce piège-là, parce qu'après, je pense que ça affecte tout le reste, en fait. Ça affecte tout le reste de ta vie, même tes émotions. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu regardes des vidéos et que L'algorithme, il sait quoi te montrer. Donc, si jamais tu es triste, il va te montrer des trucs tristes. Donc, tu vas t'enfermer dans ces émotions-là, tu vois. Tu vas regarder une vidéo qui va te faire pleurer, et puis après, tu vas regarder une autre vidéo qui va te mettre en colère. Et c'est vrai que ça peut vraiment jouer avec tes humeurs, avec tes émotions, l'écran, et je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Moi, en tout cas, je le ressens, et c'est pour ça que j'essaie vraiment de limiter et de choisir les moments où je vais faire ça, parce que je veux pas que ça change mon énergie d'une certaine façon. Et qu'ensuite, cette énergie-là, elle se reporte dans ma journée ou dans mes interactions avec les enfants, etc. Donc, ouais, voilà. Depuis que j'ai pris conscience de ça, je fais très attention à ma consommation d'écran, etc. Ah, c'est hyper intéressant. Et la dopamine, je ne savais pas du tout. Parce que la dopamine, Alors, en fait, c'est ce quelle que j'avais hormone compris, déjà? c'est que concrètement, ce qui va te motiver, enfin, des petites actions, tu vois, à chaque fois que tu fais une petite action, eh ben, t'as un petit peu de dopamine, c'est un peu comme une récompense, c'est de la récompense. Donc c'est ah j'ai réussi à faire ça, tu vois. Ça te motive donc à en faire plus. Le truc c'est que ça demande normalement pour avoir de la dopamine t'es censé faire quelque chose. Donc ça peut être même ne serait-ce que le fait de faire la vaisselle, tu vois, c'est ouf, tu vois, ça t'en peut-être pas forcément compte, mais t'as un petit truc de ah ça fait plaisir d'avoir fini la vaisselle, tu vois. C'est pas forcément t'as pas forcément conscience, mais t'as un petit sentiment de soulagement, tu vois, d'accomplissement. Et le truc, c'est que normalement, c'est une action qui va Oui. t'amener ce genre de sentiment. Avec le téléphone, c'est en fait, tu le reçois sans rien faire. C'est-à-dire que tu t'assois sur le canapé, tu scrolles et tu reçois cette dopamine-là alors que tu ne fais rien. Et c'est pour ça que tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Donc, tu épuises en fait comment on dit? Tu épuises tes réserves, merci. Ce qui fait qu'après, Réserve. bah, ouais, du coup, tu es fatigué mentalement en fait. Tu es fatigué mentalement, tu n'as plus envie de te lever, de faire ton lit, tu n'as plus envie de te lever. Faire la vaisselle, t'as la flemme, et en fait, c'est ça. C'est pas vraiment que t'es fatigué physiquement, c'est que tu t'es épuisé mentalement. Tes réserves de ce qui t'aurait normalement motivé à faire les choses, tu ne les as plus parce que tu les as perdues, en fait, via le téléphone. Mais après, moi, c'est vrai que peut-être que je l'explique mal, mais il y a vraiment plein de scientifiques qui expliquent en détail le process. Et c'est pour ça que moi, une fois que j'ai compris ça, que voilà, le matin, je ne touche plus mon téléphone parce que si j'ouvre les yeux, à 6 h du matin et que je prends mon téléphone et que je commence à scroller pendant une demi-heure. Bon, déjà, j'ai perdu une demi-heure de ma journée. Mais déjà, je suis déjà en train de me mettre dans un mode mental où, tu vois, ça va être plus passif, tu vois. Donc là, ça va déjà être plus dur de dire, oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Alors que quand je mets mon réveil, le réveil sonne, je me lève et tout de suite, j'ai fait mon lit. Tout de suite, j'ai fait une action qui est un peu satisfaisante, tu vois. Et donc, je peux enchaîner la suite. Du coup, ah, ben, allez, on va faire les D'accord. petits-déj, on va faire les lunchbox. Je vais faire ça, tu vois. J'enchaîne tout ce que j'ai à faire. Toutes les choses que j'ai envie de faire, que j'ai besoin de faire le matin, je les fais. Et c'est seulement à la fin que je vais m'autoriser à prendre mon téléphone. Et encore, c'est pas pour scroller. Ça va être pour regarder, par exemple, un email, choses comme ça. Mais voilà, le truc de scroller, etc., ça, j'essaie de le garder pour des moments où je sais que j'ai déjà fait ce que j'avais à faire, en fait. Donc, si jamais ça m'affectera pas autant. Mais je pense que plus le temps passe, plus j'essaye de vraiment limiter. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais que je voulais faire de l'intelligence artificielle pour encore plus réduire mon temps d'écran. Et ce qui fait que je dois récupérer du temps de vie, en fait, tu vois. C'est ça. Donc, je Eh sais oui. que j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, moi, j'ai des passions, mais je suis pas accro. Parce que moi, j'explique qu'en fait, moi, j'étais accro aux écrans parce que j'ai grandi avec la télé dans ma chambre. Depuis que j'avais 1 an et j'avais pas de limite, j'avais rien, j'avais le téléphone, j'avais l'ordi tout dans la chambre sans limite de temps. Et donc il y a des gens qui m'ont dit non, mais moi aussi j'ai eu illimité, mais j'ai pas d'addiction. Et je dis oui, mais il est 1 h du matin, t'es sur ton téléphone. Donc peut-être que tu t'en rends même pas compte en fait, mais si tu prends ton téléphone sur les toilettes, si tu prends ton téléphone dès que tu ouvres les yeux, si tu prends ton téléphone dans la voiture quand il y a un feu rouge, c'est de l'addiction. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le réalisent pas parce que comme c'est pas de l'alcool, c'est pas de la bouffe. Ça prend 3 secondes et que tu ne t'en rends pas compte. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne réalisent pas, mais je pense que la majorité d'entre nous sommes accros aux écrans. Et on ne se rend pas compte de combien ça affecte notre vie. Et c'est pour ça que moi, maintenant, j'essaie vraiment d'être toujours plus stricte et de limiter toujours plus mon temps pour pouvoir récupérer, voilà, récupérer du temps de vie et donc faire des choses qui ont vraiment de l'importance pour moi. Et voilà quoi. Donc moi, j'encourage vraiment les gens à s'observer et à essayer de se mettre des limites comme ça aussi. Un exemple du coup qui me vient, c'est quand j'oublie mon téléphone pour partir en balade, même 20 minutes, le nombre de fois où mon réflexe c'est ah bah tiens, ça je vais regarder sur mon téléphone et ah bah non. Et ça met un peu face à ce phénomène Tout à fait. d'addiction Tout à insidieux. fait. Je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte, même si on a des vies chargées où on travaille, et on va au sport, etc. Mais on est quand même très, très, très, très accroché à nos écrans, même si on ne s'en rend pas compte. Et c'est très dur. C'est très, très dur de se limiter parce que tout est fait pour, en fait. Tout est fait pour te garder là-dessus. Donc, ça demande énormément de contrôle de soi et de s'en rendre compte, surtout, je pense. C'est très, très dur, je pense. Très, très, très dur. Tout est fait pour nous garder là-dessus, en fait. Avec justement le fait que ça envoie de la dopamine avec tous les stimuli, etc. Et on te demande si tu éduques tes enfants par rapport aux écrans dans ce sens, parce que c'est vrai que avec trois enfants, ça peut être tentant Ouais, d'avoir alors là-dessus, c'est pour vrai aux que je me écrans, fais énormément de évidemment. violence parce que, comme j'expliquais, moi, j'ai grandi avec écran illimité. Et donc, par exemple, durant la semaine, il n'y a pas d'écran. Je sais que normalement, ils autorisent une demi-heure par jour, un truc comme ça, je crois. Les pédiatres disent que c'est une demi-heure par jour, un truc comme ça. Moi, là, je suis passée à pas d'écran du tout durant la semaine. Donc, des fois, c'est vrai que c'est dur parce que c'est vrai que c'est tentant parce que quand bah, je suis toute seule avec les trois et que j'ai envie de. Je sais pas, faire un peu de ménage et que du coup, ce serait plus facile forcément d'allumer la télé. Moi, je sais qu'ils sont assis, ils bougent pas. Mais du coup, je me fais vraiment violent. Je dis non, la télé, j'allume pas. Tant pis, ils vont me faire chier. Ils vont peut-être se battre. Il va falloir que je t'organise 10 fois et que j'arrête ma tâche. J'arrête ma tâche à chaque fois pour aller voir que tout va bien, etc. Mais tant pis. Là-dessus, voilà, pour la semaine, je leur mets pas d'écran. Le vendredi soir. On se met un film avec popcorn, du coup on s'assoit ensemble, on regarde le film ensemble, on rigole. Je leur avais pris tablette. Tablette, c'était pour le côté éducationnel parce que quand j'essayais à mon fils durant l'été de lui apprendre des choses, donc je lui disais on fait les exercices d'école pendant une demi-heure et après on fait sur la tablette. Donc c'était un peu plus interactif, ça le motive un peu plus à faire les exercices. Mais c'est pareil, durant le week-end en général, c'est toujours de les sortir, de faire des sorties au musée, de faire des sorties dans les parcs. Donc, je vais leur donner la tablette peut-être une demi-heure, par exemple le dimanche, parce que c'est là où je vais peut-être gérer deux, trois trucs. Je dis, allez, là, je vous la laisse. Mais je suis devenue beaucoup, beaucoup plus stricte là-dessus. J'ai eu une période au niveau du Covid. Quand il y a eu le Covid, là, pour le coup, on a lâché complètement. J'en avais qu'un seul à l'époque. J'avais qu'un enfant. Mon fils, il avait 2 ans. Et à l'époque, il n'avait pas d'écran du tout. Quand Covid a commencé, on ne regardait pas la télé avec mon fils. Et une fois qu'il y a eu le confinement, là, par contre, on a commencé à mettre des films. C'est parti en sucette totale parce que là, on en mettait beaucoup. On mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrans à mon fils durant le confinement. Et on a continué à faire ça parce qu'on avait pris l'habitude, en fait, tu vois, de mettre l'écran le matin, Et oui. etc., quand il se réveille. Et à un moment, moi, j'ai eu un peu, tu sais, le déclic de dire non, non, attends, on arrête. On arrête tout. Et je me suis remise sur quelque chose de beaucoup plus strict. Mais on a eu une période comme ça durant la pandémie où, par contre, il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrans. Mais voilà, dès que j'ai pu vraiment reprendre le pied là-dessus, j'ai repris le pied là-dessus et là je suis très contente hein, puisque bah, ils sont voilà, il n'y a pas de problème maintenant, ils savent, ils font leur vie, ils jouent le matin, ils viennent cuisiner avec moi, donc c'est cool. Mais il y a eu une transition quand il a fallu réinterdire, mais maintenant ça va bien, maintenant il n'y a plus de problème, ça se passe très très bien. Un challenge important, c'est clair. Et est-ce qu'il y aurait un conseil à donner aux jeunes mamans qui seraient dans une phase, par exemple, où physiquement elles ne s'aiment pas Je trop? pense déjà qu'il faut qu'elles s'acceptent. Je pense qu'il faut qu'elles soient fières d'elles. Parce que bah, finalement, elles ont donné la vie. Donc leur corps, il est tel qu'il est. Bah, parce qu'elles ont donné la vie, tu vois. Donc il n'y a pas de honte, je pense, à avoir le corps qu'on a. Je pense qu'il faut vraiment l'accepter. Être à l'aise avec ça. J'espère qu'elles ont des maris qui les soutiennent aussi. Parce que je sais que des fois, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc même si, voilà, même si elles prennent des réflexions, etc., voilà, qu'elles n'écoutent pas ce genre de choses. Et de te rappeler bah, que tout est temporaire, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, l'enfant, il va grandir. Il commencera à faire les nuits. On retrouvera une certaine normalité. Et donc, elles pourront reprendre sport. Elles pourront reprendre, voilà, peut-être manger mieux parce qu'elles auront plus de temps pour cuisiner. Elles seront moins stressées aussi. Donc, elles perdront le poids plus facilement. Elles dormiront mieux parce que mal dormir, en général, c'est plus difficile de perdre du poids quand tu dors mal. De ne pas paniquer dans le sens que c'est qu'une période. Voilà, c'est une période de vie où bah, peut-être pendant un an, tu seras un petit peu en surpoids, mais c'est pas toute ta vie, en fait, tu vois. Donc, de pas paniquer, de juste profiter du moment présent, profiter de l'enfant, de pas se prendre la tête sur à quoi elle ressemble, de vraiment juste rester concentré sur, voilà, au jour le jour, profiter de la vie, profiter des enfants parce qu'ils grandissent très très vite et qu'elles auront tout le temps ensuite, quand les choses seront plus calmes, de reprendre voilà, le contrôle de leur physique et de retrouver un corps qui leur plaît. Voilà, vraiment, de lâcher prise et juste de kiffer pour le moment parce que ça passera vite de toute façon. Oui, et Ouais. ce qu'elles retiendront dans 5 ans, 10 ans, c'est sans doute plutôt les moments un peu précieux plutôt que un certain mal-être qui en même temps parfois peut être lourd. Mais dans l'idée, à C'est terme, ça, si on peut pas, c'est si peut-être ça vraiment quoi. c'est parce que je sais que moi j'ai eu de la chance avec mon troisième, c'est aussi ce qui m'a permis de perdre mon poids plus rapidement, c'est que mon troisième a fait les nuits très vite. Comparé à mon aîné par exemple, mon troisième a fait les nuits très vite, c'était un bébé qui était plutôt calme parce que du coup il a des frères donc il était voilà, il était toujours un peu occupé par ses frères donc il était moins demandeur comparé par exemple à quand t'as un enfant unique qui est toujours derrière toi parce que tu es la seule personne qui l'occupe. Moi, avec les deux frères, forcément, bah, il est tout le temps à vouloir courir derrière les frères, à vouloir jouer avec eux. Donc, c'est plus la même dynamique. C'est même presque plus facile 3 que 1, j'ai l'impression, des fois. Et je travaille pas au sens que j'ai pas d'emploi. J'ai un mari, quand il rentre, qui, voilà, qui me soutient si j'ai besoin. Comme je dis, j'ai une gym avec garderie, etc. Donc, j'ai vraiment un entourage, un environnement qui m'a permis de faciliter, en fait, cette perte de poids rapide. Donc, je pense qu'il faut pas se comparer non plus aux autres. Voilà, il faut faire avec ce qu'on a, il faut faire avec ce qu'on est, il faut faire voir où est-ce qu'on est soi-même, et de pas comparer la perte de poids d'une femme à une autre parce qu'on n'a pas toutes les mêmes situations. Mais je vois juste avancer à son rythme, tu vois, avancer à son rythme avec les obstacles qu'on a, juste de pas abandonner, ça c'est sûr. Mais voilà, de se rappeler que voilà, la vie est longue et que éventuellement on retrouvera son corps et que tout ira bien. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de profiter surtout de son enfant, etc., et de pas forcément se prendre la tête trop sur ce à quoi on ressemble. Au niveau de l'approche un peu culturelle, est-ce que aux États-Unis, tu as relevé des différences dans le rapport à l'apparence? Alors, disons que ça, après, ça va dépendre vraiment des classes sociales, ça dépend des quartiers, ça dépend voilà, où tu vas. Si tu vas sur la 5e avenue à New York, ce sera forcément pas les mêmes rapports à l'apparence que si tu vas dans un quartier un peu plus ghetto, etc., de Philadelphie. Mais de façon générale, je pense que au niveau des mamans, moi comme je pense qu'on avait parlé un petit peu avant, mais disons que voilà, les mamans dans les écoles, souvent tu les vois qu'elles viennent en tenue sport. Je pense que c'est un peu souvent la tenue préférée des mamans ici, c'est la tenue de sport. Donc elles viennent en pantalon de yoga, avec un t-shirt voilà, de sport. C'est très décontracté. Voilà, souvent je trouve les mamans ici, elles s'habillent très décontractées. Durant la vie de tous les jours, après, si jamais elles sortent, elles vont faire des efforts. Celles qui travaillent dans des bureaux, un petit peu des postes, elles, oui, je pense qu'elles vont faire l'effort aussi. Mais le côté, voilà, juste maman qui vient chercher son enfant et qui n'est pas en train de chercher, qui va pas bosser là tout de suite, etc. En général, elles sont plus sur des styles contractés. Donc, elles prennent soin d'elles, je pense, d'une certaine façon, mais c'est un style quand même un peu plus décontracté. Tu me disais qu'on peut faire les courses Ouais. Ouais, tout en, à fait. éventuellement Il y en a des gens qui viennent pyjama. en pyjama et en chaussons faire les courses. Alors que c'est vrai qu'en France, a priori, il y aurait des Ouais, regards ouais, ouais. Je surpris. pense qu'on se juge beaucoup plus en France sur notre style vestimentaire. Je pense quand moi, je me souviens quand je vivais en France de toujours être un petit peu, comment on dit, self-conscious. Le fait du regard des autres, tu vois. Le fait de me dire, ah, je vais sortir comme ça, j'aurais l'air un peu con, tu vois. J'étais beaucoup plus à me poser la question de ce que j'allais enfiler. Parce que je savais qu'il y allait souvent avoir des regards, peut-être même des moqueries, etc. Alors qu'ici, je pense que les gens sont plus un peu fais ta life, je m'en fous, personne ne se regarde. Ou au pire, si les gens disent un truc, en général, c'est toujours positif. C'est ça, là, c'est un peu l'extrême opposé, dans le sens que soit on ne te regarde pas et on s'en fout de ce que tu fais, soit si on te donne de l'attention, c'est de la bonne attention en général. C'est pour te dire, ah, j'aime tes chaussures, j'aime ton pantalon, j'aime tes cheveux. Donc c'est vrai que finalement, tu as moins cette pression où tu dis, de toute façon, je m'en fous, je mets ce que je veux, tout le monde s'en fout. Et au pire, si quelqu'un s'en fout pas, ce sera sûrement pour me faire un compliment. Donc c'est vrai que du coup, ça te libère un peu mentalement où si tu as les cheveux en vrac et que tu mets voilà, des chaussettes dépareillées et un vieux jogging avec des taches dessus, bah, tout le monde s'en fout en fait. Donc c'est un peu l'extrême opposé là-dessus. Ouais. Ah d'accord. Et ce cliché que les Américains ont de nous quand tu dis je suis française? Bah disons ouais, ils savent qu'on a une mauvaise réputation, qu'on est râleur en général, qu'on râle beaucoup, qu'on est un peu méchant, c'est ce genre de trucs qui ressortent en général. Alors toi, je sais qu'on en avait parlé, tu m'avais demandé par rapport au fait de sentir mauvais. Alors personne ne m'avait jamais vraiment posé la question, peut-être une fois ou deux, et encore dans 10 ans que j'ai été là. Mais juste après que toi et moi on discute, je crois que c'était 2 jours après, j'ai quelqu'un qui est venu taper à ma porte. C'est des gens qui font des travaux, qui disent oui, si vous avez besoin de travaux, là, là. Et quand le mec m'a demandé mon origine et que j'ai dit française, il m'a dit c'est vrai que les gens ne mettent pas de déodorant. Du coup, j'ai pensé à toi parce que du coup, je t'avais dit que personne n'avait posé la question. Et je crois que 2, 3 jours après, quand on en avait C'est parlé, bon. quelqu'un m'a posé la question. Donc, du coup, les clients ont sûrement encore la vie dure là-dessus, j'imagine. Mais donc, ouais, c'est à peu près ça en général. Parce qu'on est un peu les grincheux, prétentieux, voilà. C'est un peu ça, les clichés sur nous, quoi. C'est Mais on pas fait bien à super manger. Voilà, on a du positif. bon pain, du bon fromage, du bon vin. Voilà, donc on a des trucs bien, mais nous, on est un peu cons. C'est un peu ça, le cliché, Bon. Côté cosmétique, est-ce que tu regardes les compositions de produits, alors, toi? j'essaye au démarrage, quand je me suis lancée là-dedans, au démarrage, pas trop. Je savais pas du tout trop quoi regarder. Maintenant, j'essaie de faire un petit peu plus attention. De ce qu'il y a dedans. Après, c'est vrai que je suis pas pro, donc peut-être que des fois je me plante, mais je sais quand même que ce soit pas testé sur les animaux, ce genre de choses, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de trucs trop chimiques non plus. Donc j'essaye de faire attention. J'essaie de faire attention. Après, je pense pas que ce soit parfait. Je suis pas sur du 100% naturel. Je sais où des fois les gens, ils font leur propre crème, etc. J'essaie d'acheter des marques qui, il me semble, sont quand même assez respectueuses. Mais voilà, je pense que c'est un peu un entre-deux. Tu croises pas mal de marques françaises en C'est cosmétique? un peu les qu'est-ce que ça aura? Tout ce qui est Yves Saint Laurent, La Roche-Posay, choses comme ça, je pense. T'en as quand même quelques-unes, ouais. Quelle est ta routine, toi? Tu as évoqué le mardi soir et sinon Alors le en matin, journée, le moi, donc matin. je me mets de l'eau de rose quand je me réveille. Donc en fait, quand j'ouvre les yeux, je me lève, je me le mets comme ça sur le visage. Pour me réveiller et après ensuite un peu plus tard quand je fais ma skincare je vais mettre tout ce qui va être vitamine C et crème comment ça s'appelle crème hydratante et je remets de l'eau de rose du coup et le soir donc là j'alterne c'est de The Ordinary et là pour le coup donc je vais laver mon visage. Soit je vais mettre du rétinol, mais c'est la version vegan, c'est la version plante pour rétinol. Et après, sinon, j'ai quelque chose qui s'appelle du Matrixyl, c'est tout ce qui est pareil pour l'anti-âge, etc. Et je vais mettre de la crème hydratante de nouveau et de l'eau de rose. Et une fois par semaine, je me fais un peeling du visage. D'accord, Ouais. assez complet alors. Et sur TikTok, parfois tu peux parler d'astuces, d'accessoires beauté. Est-ce que tu fais des partenariats? Tellement au final avec les trucs de beauté, j'ai pas vraiment. Là, j'ai une marque qui m'a contactée, comme je parlais de régime, etc., de détox. J'ai une marque qui m'a contactée qui m'a envoyé des sachets de thé, une cure de sachets de thé que j'ai pas encore testée, donc il va falloir que je fasse ça. Mais c'est vraiment. J'ai eu ça et j'ai eu Beyond Body en début d'année, qui était le challenge alimentaire. Mais vraiment, à part ces deux-là, en général, c'est pas vraiment. C'est plus des trucs d'anglais. C'est plus des partenaires comme ça en fait. J'ai pas eu tellement de trucs beauté en termes de partenariat. Après, c'est compliqué aussi parce que je suis pas vraiment influenceuse beauté non plus. Je me démarque pas sur le côté influence beauté. C'est souvent pour ça que je suis pas. On me demande pas mon avis, tu vois ce que je veux dire. Tu as régulièrement d'autres styles de Ouais, partenariat, enfin, c'est donc comme ça avec que tu mon te autre compte, rémunères? enfin, ce compte-là du coup, Bon Voyage pour Guy, j'ai un partenariat avec Cultural Care, c'est l'agence au pair avec laquelle je suis partie. Au pair 2 ans, donc j'ai un partenariat à l'année avec eux, et après c'est ponctuel. Bon, Beyond Body, c'est vrai que du coup on l'a fait déjà quand même, j'en ai fait un en janvier, ça a bien marché pour eux, je pense, donc ils me rappellent à chaque fois qu'ils ont une campagne, donc environ, ça fait quoi, 3 fois par an, 3, 4 fois par an, ils me contactent pour faire la campagne avec eux, Beyond Body, et après c'est ponctuel. Voilà, une fois j'ai eu un aspirateur robot, tu vois, cours d'anglais, assurance, voyage, c'est vrai que c'est très quand même varié. Et sinon, la rémunération, elle vient des vues, des vidéos que je fais, en fait, sur TikTok, puisque ça, c'est rémunéré les vues. Et parce qu'en plus, c'est les vidéos plutôt longues qui sont valorisées. Et toi, Ouais. souvent, les sujets que tu abordes Oui, moi, nécessitent mes de vidéos, elles dépassent dépasser la quasiment minute. toute la minute. C'est très, très rare que je fasse des vidéos juste de quelques secondes. Eh bien, merci pour toutes ces Merci à toi. Non, informations ça me très fait intéressantes. plaisir. On va passer à la rubrique Les auditeurs t'imaginent, puisque, chers auditeurs dans Beauté Imaginée, les auditeurs se laissent porter par la voix. Ils imaginent ma belle invitée. Vous avez donc 3 devinettes aujourd'hui. Quel est le livre préféré de Claire-Lise? Quel est son podcast préféré? Et quel est le stage professionnel le plus marquant qu'elle ait fait de sa vie? On avait Harry Potter, un podcast autour du bien-être ou du sport, et un stage de Alors, Harry sensations Potter, fortes. non. La deuxième, elle s'en rapproche. C'est ça, mais du coup, le nom, on l'a pas, mais oui, c'est pas loin. Et le troisième, non. On a aussi en livre Le Seigneur des Anneaux, un podcast sur la psychologie de l'enfant et un stage de bien-être, de connaissance de Non, son non pour les corps. trois du coup. Un livre d'éducation positive pour le podcast Beauté Imaginée. Merci Andrea, mais non. Non. Les raisins de la colère de Steinbeck, Bliss Stories et un stage en marketing dans le secteur des Non, alors le livre, cosmétiques. je ne le connais pas, donc je crois que je le note du coup. Mais non. Sophie, un livre sur le rééquilibrage alimentaire, La Matrescence, le podcast sur la parentalité. Non. Alors, Donc, double le livre, révélation, c'est le livre, L'alchimiste de quel Paulo est-il? Coelho. Je pense que ce livre-là, je l'ai lu, je pense qu'en fait, c'était l'un des premiers que j'ai lu quand j'ai commencé mon chemin dans le développement personnel, je dirais. C'est un livre qui est très court, mais qui est vraiment intéressant. Donc voilà, si vous aimez un petit peu lire, mais que vous n'allez pas lire des romans hyper longs, c'est vraiment un livre que je conseille. Mon podcast préféré, du coup, il a changé il n'y Ok. a pas longtemps, parce que... mais c'est vraiment celui que maintenant je regarde, j'écoute, je regarde tous ceux qui sont sur YouTube. C'est Diary of a CEO. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Stephen Barlett qui interviewe les personnes les plus connues en fait, du monde entier. Mais c'est quand même très souvent sur des sujets qui sont justement la psychologie, la santé, etc. Et ce truc me passionne parce que toutes les semaines, il sort du coup des interviews avec des gens qui ont tellement, tellement de choses intéressantes à partager. Justement sur la santé, le bien-être physique, mental, etc. Toutes les semaines, à chaque fois, je me mets le podcast et quand je fais un peu mon ménage, etc. J'écoute ça tout le temps, même à la gym, etc. Je suis absolument fan de ce podcast-là. Et mon stage le plus marquant, ça a été un stage en maison de retraite. Puisqu'en fait, moi, avant de faire école de commerce, mon premier diplôme en soi, mis à part le BEPC, c'était un BEP. Carrière sanitaire sociale, CSS. Donc en fait, j'ai dû faire deux stages en école maternelle, en crèche, etc. Mais j'ai fait un stage en maison de retraite d'un mois. Et donc j'avais à l'époque 16 ans, je pense. Et ça a été le stage le plus marquant pour moi parce que c'est vrai que quand tu as 15, 16 ans, je pense que voilà, moi, mes grands-parents étaient déjà tous décédés. Donc j'avais pas vraiment. De vision de ce que c'est la vieillesse, de à quoi ça peut ressembler, etc. C'était un peu flou. Et donc, de faire un stage en maison de retraite et de voir toutes ces personnes âgées, voir voilà, c'était moi qui devais leur donner la douche, c'est moi qui devais leur laver les fesses, c'est moi qui devais leur changer la couche, leur donner à manger. C'était fort, quoi, parce qu'en fait, je pense que c'est des choses qu'on ne voit pas au quotidien. Les gens âgés qu'on voit, ben, c'est ceux qui sont dehors, c'est ceux qui vont bien. Et donc, ça m'a vraiment fait. C'est vrai. Prendre conscience, tu vois, de voir ces personnes-là, voir leurs photos sur les murs où elles étaient toutes jeunes et à péter le feu, et que là, ben, j'étais moi en train de devoir leur mettre des couches. Ça a été vraiment un exploit, je pense, à l'époque, quand j'avais 15 ans, de voir à quel point, en fait, la vie passait vite, et que, voilà, que l'autonomie, en fait, du corps et du mental, c'était vraiment, vraiment très, très important, quoi. Donc, je pense que ça a été, ouais, je pense, l'un des stages les plus marquants, le fait de jeunes comme ça, devoir m'occuper de personnes âgées et du coup être confrontée à la mort aussi, puisque il y a des gens qui sont morts quand j'étais là. Enfin, pas moi, je les ai pas vus, mais je les voyais. Et puis après, ben, quelques jours après, on apprenait qu'ils étaient morts durant le stage. Donc d'être confrontée un peu à ça très très jeune, je pense que ça a été très très marquant. Et je pense que ça a aussi sûrement l'une des raisons pour lesquelles je suis aussi passionnée sur le fait de prendre soin de moi, c'est d'avoir été exposée à ça à cet âge-là, je pense. Assez fort Ouais, ça humainement et c'est sûr. psychologiquement, quoi. Chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée Claire-Lise. On arrive donc à la fin de notre émission sur la beauté d'une maman de trois enfants aux États-Unis. Merci encore de t'être Merci à toi. livrée comme ça, c'était trop cool. Vous pouvez suivre les aventures de Claire-Lise sur ses comptes TikTok et Instagram, Maman Froggy. Bon voyage, Froggy. Pour ma part, rendez-vous sur mon blog beautéimaginée.com et tous les podcasts sont ensuite disponibles sur les grandes plateformes Spotify, Apple Podcasts, etc. Dernière question, Claire-Lise. Pour une prochaine interview de Beauté Imaginée, est-ce que tu penserais à quelqu'un qui pourrait être un bel invité? Une de mes copines qui est elle aussi influenceuse s'appelle Wasila. Du coup, on était au pair, elle et moi on était au pair. D'ailleurs, elle était là le jour où j'ai rencontré mon mari. Elle était là. Elle parle beaucoup des sujets un peu dans mon type, mais plus sur le côté être femme, avoir confiance en soi, les relations, le fait de le dating quand on est célibataire. Donc, elle a plein de trucs comme ça qui sont intéressants. Je pense qu'elle pourrait être sympa comme invitée.